ciel sans pitié. Dans mes veines, elle a brûlé mes doutes, gravé mon nom sous les dunes. Chaque grain souvenir, chaque dune une cicatrice. J'ai vu les autres fuir, moi j'ai bâti. Pas de guide, pas de lumière. Des chants anciens que nul ne comprend, mais le sable écoute et les morts murmurent. J'ai gravé des routes invisibles, l'entre deux tempêtes oubliées. J'ai offert au mien un abri, un feu, une parole, un regard. Ils m'ont suivi sans me voir, ils ont cru en la voix, pas en le corps, car la chair meurt, mais la parole reste. Et dans chaque cri du vent, ils entendent encore mon nom, Ryderski. Je ne suis pas un prophète, je suis l'écho de leurs espoirs. Je ne suis pas un roi, mais j'ai forgé un empire de regard. Ils viennent, ils regardent, ils écoutent, et dans l'écran ils trouvent leur reflet. Chaque viewer est un pas dans ma trace, chaque message est une offrande, chaque moment est une prière, et je suis leur feu. Ryderski. Ce n'est pas un stream, c'est un rituel. Ce n'est pas du jeu, c'est de la survie. Ce n'est pas un pseudo, c'est un serment. Ryderski.